On va faire un bref survol d'une récente publication du CIFRIO sur les moyens qu'utiliseraient les Québécois et, bien sûr, et où les Québécoises là, pour communiquer et s'informer. Raymond Poirier, bonjour. Bonjour. Bon mardi. Merci. Et c'est un sujet, en fait, qui est vraiment dans la continuité de ce dont on parle beaucoup et fréquemment parce que, en fait, c'est le premier constat qui m'a happé, qui m'a donné envie de partager un peu les résultats de cette étude-là. Il faut dire, pour le contexte, le CIFRIO fait régulièrement des diagnostics. En fait, ils ont une série de publications qui s'appelle Net Tendance, qui porte un regard sur des questions, commerce électronique, justement, communication, outils, présence d'Internet et le reste. Donc, des outils diagnostiques qui sont utilisés par la suite par d'autres organisations. Et nous, on se rappelle, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a beaucoup parlé d'algorithmes. On a beaucoup parlé de médias sociaux, on a beaucoup parlé de ces chambres d'écho qui font qu'on a peut-être accès à une information un peu plus biaisée que ce qu'on penserait avoir, comparativement à une démarche qu'on pourrait faire d'aller directement sur les sites Internet des médias, par exemple, ou de lire un journal, nécessairement, quand on se retrouve sur les médias sociaux, Facebook au premier chef, nécessairement, on a une information un peu tronquée. Alors ça, c'est mon petit contexte global, parce que, dans le fond, le constat qui m'avait happé, Caroline, c'est que, de plus en plus, justement, les Québécois et Québécoises utilisent, selon le CIFRIO, les médias sociaux pour s'informer. Donc, pour aller chercher de l'information, on parle pas d'une moindre proportion non plus, là, on parle... Avant d'aller plus loin dans les chiffres, là, revenons sur le CIFRIO qu'on dit. Alors, tu me le disais hors d'angle, mais c'est un organisme gouvernemental. Qui est financé en partie par le gouvernement, qui fait aussi des projets de recherche et de raison, qui a un mandat quand même assez varié et qui est très objectif, évidemment, dans le contexte de ces analyses. Donc, il y a une certaine objectivité, là. C'est fait pour être objectif, pour offrir un diagnostic assez précis, là. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est vraiment en croissance. Et c'est une tendance, d'ailleurs, internationale. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on en jase autant de cette préoccupation qu'on peut avoir face à Facebook et aux autres médias sociaux en termes d'algorithmes, en termes de traitement de l'information, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent via, justement, cet outil-là. Au Québec, on parle, selon les tranches d'âge, ça peut atteindre pratiquement, 84% pour les 18 à 34 ans, 77% pour les 35 à 54 ans et à peu près 50% pour les 55 ans et plus. Donc, on va sur les médias sociaux pour s'informer. Et je disais, au niveau international, c'est un peu la même chose. Le CIFRIO cite une étude du Reuters Institute for the Study of Journalism et qui disent que c'est la même chose aussi de manière générale, là, ça augmente, ça a doublé en fait à l'international depuis 2013, 46% des internautes, ça c'est aux États-Unis, en Europe, c'est des tendances similaires, en Asie, un peu partout, donc la tendance est en augmentation, on va sur les médias sociaux. Évidemment, les médias traditionnels ont quand même encore un peu de place, mais leur place n'est pas en croissance comparativement aux médias sur le web. Il faut que les médias, on le vit avec la presse, qu'ils n'auront plus de version papier. Il faut qu'ils soient plus attractifs aussi, peut-être. Peut-être, puis en même temps, c'est que là, on tombe aussi dans des questions d'usage d'outils. Parce que la presse, dans le fond, est disponible sur tablette tactile, mais l'application sur téléphone intelligent n'est pas du tout la même, n'a pas du tout le même objectif non plus. Ce qu'on remarque, c'est que c'est une certaine tranche d'âge qui utilise la tablette. Selon cette étude-là, c'est surtout, dans le fond, peut-être les 35 à 54 ans qui ont des tablettes, qui les utilisent pour communiquer. Les plus jeunes n'utilisent pas ce type d'outil-là. Ils sont encore beaucoup au téléphone mobile. Les plus âgés n'utilisent pas ce type de plateforme-là. Ils sont beaucoup plus avec la télé, la radio, le papier. Alors, il y a une dynamique particulière au niveau des appareils. Et une fois qu'on a l'appareil, les usages finissent par se rejoindre un brin entre la tablette, à tout le moins, et le téléphone intelligent. Donc, c'est les médias sociaux qui sont le chef de file. Et donc, ça veut dire que nécessairement, pour les médias traditionnels, autant que les nouveaux médias, en fait, les sites web, les médias 100% web et le reste, nécessairement, l'idée d'être diffusé sur les médias sociaux prend de plus en plus d'importance. Et parmi les médias sociaux, évidemment, ça reste Facebook qui prend la grosse part du marché, là. Mais dis-moi donc, Raymond, on s'informe sur quoi? Ça change un peu le type d'information qu'on va chercher les médias sociaux, là. Si je veux avoir une information pointue sur ce qui se passe en Irak ou avec le Qatar, par exemple, présentement, je vais où? Si je vais sur les médias sociaux, est-ce que j'ai la même information? Mais c'est un peu, dans le fond, la particularité de la chose. Et si le sondage pousse un peu plus loin, Remarque, bon, si on parle de Facebook, c'est à peu près 72% des gens qui vont sur Facebook dans l'objectif de s'informer. Alors évidemment, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'un côté qu'on s'est abonné probablement à des pages de médias, de journaux et le reste qui nous intéresse. J'ai médias, journaux, mais ça peut être très, très large, évidemment. Et parallèlement, qu'on se fie aussi à notre entourage pour nous apporter l'information dont on a besoin. Alors, dans ce contexte-là, on revient avec la chambre d'écho qui nous préoccupait au départ. Donc, dans la mesure où si je dépends de mon groupe social pour avoir de l'information, ça veut dire que je vais peut-être aussi avoir de l'information tronquée en fonction des biais et de la nature du repartage, si on peut dire, que cette personne-là va avoir, de la nature de mon engagement face à certaines nouvelles. Et donc, je vais perdre une partie de ces données-là. Évidemment, il y a un souci qui est remarqué de la part des Québécois où on va essayer d'aller chercher de l'information le plus possible en temps réel, donc pour profiter de l'avantage que nous offrent les médias sociaux. Et ça, on parle d'à peu près 84% des jeunes Québécois de 18 à 24 ans qui vont faire le choix de choisir l'évolution d'une nouvelle, d'une actualité en temps réel, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou d'autres. Il faut dire que le contexte du sondage, et d'ailleurs c'est spécifié par les CFRIO, ça a été fait pendant une campagne électorale américaine. Et évidemment, on remarquait que les jeunes, tout particulièrement, avaient le souci de suivre cette campagne-là en temps réel, sur le web, sur les médias sociaux. Alors, donc, il y a cette façon-là. Mais avec web, on en parlait, c'est des communautés de pensée. Est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre qu'un aspect de l'information et on a moins envie d'aller chercher le revers de la médaille, là? Mais ça, c'est la crainte, évidemment, parce que, veut pas, si on se fie uniquement aux médias sociaux, on revient un peu à nos sujets des derniers mois, on va se retrouver nécessairement à l'intérieur d'une certaine chambre d'écho. Évidemment, les algorithmes évoluent. Facebook a semblé réceptif aux nombreuses critiques qu'il y a eues, mais il y a toujours cette préoccupation-là chez certains militants informatiques, chez certains groupes d'intérêt, groupes citoyens, groupes militants et le reste, de dire, on ne sait pas de quelle façon, dans le fond, l'information est traitée sur les médias sociaux. Les algorithmes ne sont pas rendus publics, ou à tout le moins, les principes qui guident le développement des algorithmes ne sont pas rendus publics là. Donc, qui amène ces groupes-là à revendiquer une plus grande transparence. Évidemment, on va être mieux informé, comme je le disais, si on va chercher l'information de manière plus précise sur les sites de journaux et le reste. Évidemment, toujours dans un contexte où il y a tout de même un choix éditorial qui est fait aussi ailleurs, que ce soit au bulletin de nouvelles de 18h, que ce soit dans les journaux et dans tout média traditionnel, évidemment, il y a un choix éditorial qui est fait dans la sélection des sujets, tout dans leur mise en importance et le reste. Mais à tout le monde, on peut s'imaginer qu'avec le temps, on finit par connaître le biais que certains médias peuvent avoir. Facebook, comme ça évolue beaucoup, on perçoit peut-être encore un peu mal comment ça fonctionne aussi. Cela dit, au niveau des médias traditionnels, justement, ça reste quand même quelque chose d'assez présent. Là, on s'entend, c'est pas voué à disparaître. Là, on parle quand même de, évidemment, 74% des jeunes Québécois 18 à 24 ans qui vont vers les médias sociaux. Mais sinon, les médias traditionnels attirent quand même 89% d'intérêt de gens qui vont vers là pour s'informer. Évidemment, la télévision à 79%, la radio à 56%, et les journaux imprimés, c'est rendu à 39%. Alors donc, évidemment, ça veut dire que si on va souhaiter lire de l'information, on va probablement aller sur le web peut-être que sur le papier par comparaison. Évidemment, dans tout ça aussi, il y a d'autres facteurs que l'âge. Il y a aussi le niveau d'éducation, la capacité à lire, évidemment aussi, qui vient influer, entre autres choses. Et dans ce contexte-là, évidemment, plus on répond à certains facteurs, érudition, éducation, classe sociale et le reste, mais plus on va avoir aussi le réflexe de s'informer. Quand j'étais en communication, il y a de cela bien longtemps, bien sûr, on ne parlait pas autant de médias sociaux. On n'en parlait pas, en fait. Mais tout ça pour dire qu'on parlait de l'importance de la lecture pour avoir une information, pour développer son sens critique par rapport peut-être à une information qui est télévisuelle avec des images qui nous sont bombardées. Est-ce qu'avec la lecture sur Facebook, c'est à peu près, est-ce que la publication du CFRIO parle de ce phénomène-là, lire sur Internet ou lire sur papier? Est-ce que non, ils font pas le comparatif. Eux autres, c'est vraiment, dans le fond, c'est un diagnostic statistique. Donc, voici l'état des lieux. Évidemment, c'est des questions qu'on peut se poser, cela dit, si on sort un peu de l'étude du CFRIO. ne serait-ce que, par exemple, au niveau de la brièveté des textes, autant que la brièveté des vidéos, YouTube, dans les médias sociaux, arrive quand même deuxième comme média d'information derrière Facebook. Bon, loin derrière, cela dit, là, on parle de pratiquement plus de 30% de différence. Mais évidemment, dans un texte de 500 mots, autant que dans une vidéo de 2 minutes, ben, il y a quand même une grande limitation à la compréhension de la nouvelle. Et il y avait certaines autres études, si je sors un peu plus loin et me réfère plus à mes anciennes chroniques, ben, en fait, il y a certaines études qui disaient, ben, on est peut-être en train d'avoir une dépendance au bref aussi, à l'idée qu'on veut tout avoir en pré-mâché, tout avoir de manière simple, et que les gens de plus en plus n'aiment pas ne pas comprendre ce qu'ils lisent. Donc, si on lit un texte qu'on ne le comprend pas, eh ben, il y a de plus en plus de gens qui ne le reliront pas une deuxième fois ou qui vont abandonner leur lecture en cours de route plutôt que d'essayer de le comprendre en assumant que c'est normal de ne pas tout être capable d'assimiler au premier abord, au premier regard, et que nécessairement, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre des efforts pour bien saisir un texte, pour bien saisir un enjeu. Et donc, tranquillement, je ne sais pas si ce biais-là est existant pré-Internet, probablement, mais dans le fond, il y a ce type d'enjeu-là, évidemment, autour de l'information à proprement parler. À la limite même, on peut élargir un peu, parce que veux pas, le présentement, par exemple, mes notes sont sur mon téléphone c'est ça, intelligent. C'est tout petit. Ben oui. C'est tout petit, donc comment je peux comprendre un texte et un enjeu facile en utilisant mon téléphone, si c'est mon premier médium de lecture. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont penchés vers la tablette. Mais de manière générale, on parle quand même là, de 70% des jeunes Québécois âgés de 18 à 24 ans qui accèdent à leurs nouvelles sur Internet à partir de leur téléphone intelligent. Les tablettes, on parle évidemment de gens un peu plus âgés, comme je le disais tantôt. Et c'est intéressant aussi de voir l'évolution des chiffres que le CIFRIO nous présente, parce que si on regarde au niveau, par exemple, des médias sociaux, au niveau des tablettes, des téléphones mobiles, eh ben les médias sociaux, clavardage et autres, c'est très fort chez les plus jeunes, et plus ça va, plus ça monte, moins il y a d'usagers. Les tablettes, ben c'est relativement faible chez les plus jeunes, un peu plus fort vers les milieux de les âges médians, et beaucoup plus faible vers les plus vieux. Et en fait, au niveau même de juste parler au téléphone, eh ben dans le fond, les 35 ans et plus, et de manière assez pertinente, et les 75 ans et plus à pratiquement 100%, en fait 95, qui utilisent leur téléphone pour téléphoner, pour parler. Ouais. Parce que veut pas, plus on est jeune, selon les statistiques, et ben moins on va utiliser notre téléphone pour parler dedans, on va l'utiliser plutôt comme outil textuel. On sert pratiquement plus du téléphone. On revient à une culture épistolaire, pratiquement. Moi, j'ai choisi un iPhone 6 Plus parce que justement, c'est un entre-deux entre la tablette puis le téléphone. On voit un peu plus clair dessus. Mais effectivement, autre Facebook, Twitter, quelles sont les plateformes où les jeunes ou les moins jeunes là, vont s'informer? Tu parlais de YouTube tout à l'heure, c'est vrai, YouTube peut offrir... Mais en fait, c'est vraiment, c'est Facebook, je dirais 72% là, parmi les Québécois. Si on y va en termes d'âge, là, purement, ouais. 28% YouTube, et ensuite, il y a Google Plus et Twitter. Twitter à 17%, Instagram à 18%. Alors, c'est je dirais les deux qui viennent le plus rapidement ensuite. Et par la suite, on passe à Reddit et Snapchat, donc qui sont autour de 12%. Donc, c'est vraiment, c'est ceux qui ressortent, mais évidemment, Facebook est loin devant. Et au niveau des médias sociaux, en fait, c'est ce qu'on observe, c'est que certains médias qui sont plus populaires aussi chez les plus âgés, un brin là, mais disons Facebook reste le chef de file là. Je parle des 18 à 24 ans, mais au niveau des 25-34 ans, c'est pratiquement 50%, proportion similaire pour les 35 à 44. Ensuite, ça baisse un peu, 37 pour les 45-54, 29 pour les 55-64, 20 65-74 et 5%. On termine aux 75 ans et plus. Donc quand je dis ça baisse, mais en même temps, moi encore à ma génération, encore faut-il penser qu'on peut s'informer sur Facebook. Pour moi, c'est une façon de me divertir dans Bon, oui, maintenant, là, ça va, mais spontanément, j'irai pas sur Facebook, et c'est même pas un réflexe de ma génération d'aller m'informer sur Facebook. Mais après, oui, comme tu le dis, une autre génération, autre mœurs. C'est que dans le fond, j'imagine que pour certains, en fait, Internet, c'est au départ Facebook. Et à partir de Facebook, bon, on va SMer vers d'autres endroits. Donc, il y a peut-être cette préoccupation-là. Et parallèlement, en fait, les statistiques que je te donnais me faisaient penser, en farfouillant pour mon sujet de cette semaine, je suis tombé sur un intéressant constat au niveau du gouvernement français qui parlait de communication numérique, qui disait, notamment au niveau des personnes âgées, parfois, il y a une question de défis technologiques, d'appréhension technologique, mais il ramenait aussi la préoccupation au pur et simple argument physique. C'est pas gros écrire sur un téléphone intelligent. C'est un peu plus gros écrire sur une tablette. Sur un ordinateur, ça passe encore. Mais c'est pas tout le monde qui a non plus l'aisance tactile au niveau des doigts avec le vieillissement, mais il y a certains enjeux qui apparaissent, arthrite et autres. Fait que c'est pas non plus nécessairement facile d'utiliser ces outils-là quand on est plus âgé pour communiquer comme on le fait à 18-24 ans. De quelle manière aussi on peut évidemment trouver des façons d'intégrer dans ces nouveaux modes de communication ces plus vieilles générations-là qui peut-être qui ont des enjeux technologiques autres, mais il y a quand même aussi cette préoccupation physique-là qui semble être en voie de ressortir aussi chez certaines, dans certaines analyses, du moins dans celle de l'État français que j'avais trouvé il y a quelques temps. Donc ça nous donne un fait, j'ai trouvé intéressant, ça nous donne un portrait, un état des lieux. Dans le fond, ce qu'on remarque au final, c'est que le Québec est pas différent du reste du monde. On fonctionne de la même façon, on évolue de la même manière et tranquillement, le web et par extension les médias sociaux qui véritablement peut-être ont amené les gens vers le web et qui offrent des facilités sur les autres formats, amène les gens à les considérer comme leur porte d'entrée vers le web et sur le web, et donc nécessairement, l'information qu'on va s'y trouver va être peut-être un premier référent. Donc, est-ce que dans la routine du matin, par exemple, qu'est-ce que vous ouvrez en premier? Est-ce que vous ouvrez La Presse, le Journal de Québec, Le Soleil, ou est-ce que vous ouvrez votre radio, ou est-ce que vous regardez Facebook, qu'est-ce qui s'est passé la veille? Donc, c'est quoi votre premier outil de référence? Il y en a plusieurs, sûrement, qui vont voir les alertes Facebook, puis qui vont aller surfer un peu sur le fil d'actualité, votre première source d'information en journée est devenue Facebook. Est-ce que la publication parle aussi de comment les Québécois, Québécoises communiquent? On parlait tout à l'heure, on téléphone plus tellement, je veux pas te poser une colle, est-ce qu'on texte, est-ce qu'on s'envoie, parce qu'on n'a plus tellement l'impression qu'on se téléphone et qu'on se parle de vive voix, ou on se texte pour se demander, est-ce que je peux téléphoner? Mais on téléphone encore beaucoup, je dirais 94% utilisent encore un téléphone pour un téléphone. Ah oui, OK. Donc, 81% pour les téléphones fixes résidentiels, 56% pour les téléphones mobiles. Les textos, les courriels sont à respectivement 48%, 46%. Ça, peu importe la tranche d'âge. Évidemment, quand on considère ensuite la tranche d'âge, comme je disais tantôt, 75 ans et plus, 65 ans et plus, 55 ans et plus, on est en haut de 80-90% d'usage du téléphone résidentiel, du téléphone fixe comme outil de téléphonie. Pour les téléphones mobiles, pour parler dedans, on parle de 70% chez les 18-24 ans. Ça tourne autour de 60-63 chez les groupes d'âge médian entre 25 puis 54 ans. Au niveau des textos, c'est évidemment les plus jeunes, donc 18 à 34 ans, où on est au-dessus de 70% ou à 70% d'utilisation de textos. Ça baisse à 50%, 35-54, ensuite ça baisse progressivement. Et les courriels, c'est plus les 45-54 ans qui ont l'habitude d'utiliser ça. Donc à 56%, 48%, 35-44 ans, et ça baisse un peu 39-43 quand on rajeunit, ça baisse évidemment un brin quand on vieillit. Clavardage, c'est surtout les jeunes, évidemment, puis les messageries intégrées aux médias sociaux aussi à 66%. Donc vraiment, on utilise encore le téléphone aussi, sur le téléphone ligne fixe, ça risque de tendre à changer. Il y en aura de moins en moins. C'est intéressant quand même. Est-ce qu'on peut consulter? Tu nous l'as très bien résumé, là, Raymond, mais est-ce que on peut consulter cette publication-là? Oui, en fait, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup d'autres informations. Ouais. Les statistiques sont là. C'est sefrio.qc.ca pour trouver le détail de l'étude, si vous voulez approfondir ce que j'en ai dit, puis vous allez tomber aussi sur toutes les autres fascicules de notre tendance, dont on parle d'ailleurs de temps en temps ici en chronique, mais qui sont vraiment tout présents sur leur site web. Alors, ce sera de l'information, on peut être certaine, objective et bien approve. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Bonne journée. Bye bye.